Donc Romain Roy, donc moi je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc de la métropole bordelaise et de la Gironde, notamment sur deux thématiques qui sont donc les bilans énergétiques et la planification énergétique territoriale. Donc finalement, bah, c'est complètement ce dont on va parler, en tout cas dans cette première intervention. Comme le disait Raphaël, je vais rester peut-être plus dans le macro au départ. On va après aller plus spécifiquement sur des projets ou sur l'urbanisme opérationnel, l'urbanisme réglementaire. Sur cette planification énergétique territoriale, moi j'apporterai plus mon retour d'expérience donc sur la communauté urbaine de Bordeaux, puisqu'on a mené un projet donc en partenariat avec l'agence d'urbanisme sur le territoire de la CUBE, donc qui est certes un milieu urbain. Après on verra aussi bah, comment certains principes peut-être issus de ce projet peuvent se transposer en milieu rural. Donc j'ai pas forcément toutes les réponses, mais je suis intéressé aussi par vos questions et puis votre retour d'expérience sur après comment aussi transposer ces principes de planification énergétique sur des territoires ruraux à l'échelle enfin sur des départements à l'échelle des départements ou des régions. Alors en deux mots, une présentation bon, de l'Agence locale de l'énergie, donc qui on est. Donc on est une association donc créée donc de loi 1901, créée en 2007 donc à l'initiative des partenaires publics, donc les collectivités, donc la CUBE, le Conseil général donc de Gironde et la région Aquitaine, ainsi que l'ADEME et également l'Europe, puisque l'agence a été créée dans le cadre d'un projet européen. On fait partie d'un réseau Flamme, donc notamment dont l'ADUME fait partie. Donc on est une trentaine d'agences en France, 35, qui accompagnons donc différents territoires. Alors ça peut être à l'échelle d'une communauté urbaine, à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'un département, sur bah, les questions énergétiques au sens large, sur bah, comment accompagner les collectivités, mais aussi les bailleurs sociaux, les entreprises. Les copropriétés également, plus récemment, sur bah, la maîtrise des consommations d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Voilà, j'ai présenté l'agence. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc par rapport à la planification énergétique, et notamment la thématique des bilans énergétiques, bah, c'est comment arriver à une planification sur un territoire donné, bah, il faut bien partir à un moment d'un point de départ, donc notamment à travers un bilan énergétique de territoire. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer, donc comment on en arrive, comment on passe d'un bilan énergétique de territoire à une planification concertée. Donc je vais rappeler quelques généralités et puis quelques précisions, apporter quelques précisions finalement sur le contenu d'un bilan énergétique. Qu'est-ce qu'un bilan énergétique? Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? De quoi a-t-on besoin? Pour ensuite bah, définir des actions relativement précises, relativement pertinentes pour le territoire étudié. Donc un bilan énergétique, bah, c'est avoir une connaissance bah, de son territoire, de ses productions et de ses consommations d'énergie. C'est vrai que c'est la première réponse relativement large sur finalement qu'est-ce qu'on doit connaître sur un territoire. Bah, pour comprendre bah, quelles sont ces différentes consommations, quelles sont ces différentes productions, comprendre quels sont les enjeux du territoire, quelles sont les énergies renouvelables qu'il a déjà pu mettre en place, quelles sont celles sur lesquelles il a un potentiel et pourrait développer différents projets, donc le bois énergie, mais aussi de la récupération de chaleur sur différents cours d'eau, de la production hydroélectrique, etc. Et puis d'analyser ces différents enjeux pour déterminer ensuite des scénarios prospectifs et un programme d'action qui sera adapté au territoire. Donc, faut vraiment voir enfin, je pense, hein, le bilan énergétique, non pas comme un simple outil de constat, mais vraiment comme un outil qui va permettre, certes, de faire un état des lieux des consommations, des productions énergétiques, des infrastructures énergétiques en place, mais qui derrière va permettre, de par la connaissance et les différentes précisions qu'il va apporter, de définir une planification énergétique. Et donc du coup derrière bah, d'intégrer ces questions de planification énergétique après plus précisément dans le domaine de l'urbanisme à travers différents outils qu'on aura l'occasion d'expliciter un petit peu plus tard je pense dans la matinée. Donc si on regarde plus précisément alors Les schémas que vous voyez ici sont en fait issus d'un bilan énergétique qu'on a fait pour le territoire du CIFEM, donc sur le département de la Gironde, qui est un territoire de 108 communes, donc situé dans le sud-est du département de la Gironde, donc qui est inscrit, enfin, qui est un territoire TEPOS. Donc l'agence locale de l'énergie donc a pu accompagner ce territoire, donc en réalisant notamment le bilan énergétique de ce territoire. Donc les différents graphiques voilà sont issus de cette étude. Et alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans un bilan énergétique? Je le disais tout à l'heure, les productions d'énergie, les consommations d'énergie, mais aussi tout ce qui va être approvisionnement et infrastructure énergétique. C'est-à-dire c'est vraiment aller au-delà, je dirais, du simple quantitatif, c'est-à-dire qu'est-ce que mon territoire consomme dans le secteur du résidentiel, dans le secteur des transports, dans le secteur industriel, ou qu'est-ce qu'il consomme comme type d'énergie, est-ce que c'est pétrole, gaz, bois. C'est vraiment de regarder quelles sont les infrastructures en place, quels sont les différents les gros consommateurs. Si par exemple on regarde le secteur industriel, quelles sont les grosses industries situées sur le territoire, qu'est-ce qu'elles consomment comme énergie. Donc c'est aller un petit peu plus en détail qu'une connaissance, je dirais, un peu plus générale sur consommation-production. C'est déjà d'arriver à identifier un petit peu plus précisément les choses. J'aurai l'occasion de le préciser un peu plus par la suite. Voilà, donc on rentre vraiment dans un niveau de connaissance, je dirais, d'essayer d'avoir ce niveau le plus fin possible. Donc au niveau des besoins des différentes données analysées, donc c'est vraiment à toutes les mailles finalement qu'il faut obtenir ces informations. Donc d'une part à l'échelle territoriale, puisqu'effectivement les questions et les réponses ne vont pas être les mêmes. En fonction de la taille du territoire, si on est à l'échelle de la commune ou de la communauté de communes, par secteur. Donc, en général, sur un bilan énergétique, on va distinguer l'habitat, le tertiaire, les transports, l'industrie et l'agriculture. Et puis également par énergie, en détaillant différentes énergies, gaz, électricité, produits pétroliers et les différentes énergies renouvelables. Et puis également, dernier point, par usage, ça c'est aussi important, c'est-à-dire aussi d'arriver à quantifier plus précisément nos consommations sur les usages, alors que ce soit dans le bâtiment, chauffage, chaud sanitaire. Et on va voir que plus on a une connaissance fine du terrain, plus on est en mesure derrière d'avoir des actions qui vont être beaucoup plus précises sur les actions à mettre en œuvre. C'est-à-dire, est-ce que sur mon territoire, je connais par exemple la consommation de bois, ça va être intéressant de savoir plus précisément sur le secteur de l'habitat, si je prends cet exemple-là, quelles vont être mes consommations de bois donc au niveau des logements, et puis de regarder quels sont les différents logements qui composent ce parc. Est-ce que j'ai du chauffage au bois principal, est-ce que c'est du chauffage au bois secondaire, et en fonction de cette identification, d'apporter finalement des réponses énergétiques plus précises que une simple consommation, enfin d'avoir la connaissance finalement d'une simple consommation de bois sur le territoire. Alors, sans rentrer dans le détail de ce schéma, je pense qu'il vous a été présenté en plénière hier après-midi. Donc c'est en fait c'est sur le territoire du CIFEM toujours, ce qu'on appelle un diagramme de Sankey. Donc qui est en fait un diagramme qui a pour vocation en fait à schématiser les différents flux sur un territoire. Donc sur ce schéma. Comme je le disais, sans forcément rentrer dans le détail, mais c'est d'apporter une connaissance relativement fine des consommations et des productions sur le territoire, bon là qui permet de le voir d'un coup d'œil. Alors ça paraît un peu brut comme ça à comprendre, mais en fait quand on regarde un petit peu plus attentivement, finalement c'est pas si compliqué que ça. Ça permet, si je synthétise assez rapidement, de voir à gauche les flux qui arrivent sur le territoire, et quelles sont les différentes consommations par secteur avec les différents flux d'énergie. Donc ça permet déjà d'avoir, en tout cas sur un territoire, une connaissance des différents enjeux, des différents secteurs consommateurs, des différents flux énergétiques. Et puis ça permet aussi d'avoir des informations sur les infrastructures en place, puisqu'on va voir un petit peu quelles sont les différentes transformations d'énergie sur le territoire, quelles sont aussi les pertes en énergie. Ça peut être important si par exemple, alors, il n'y en a pas sur ce territoire-là, mais une centrale nucléaire, ou même une centrale tout simplement, ou des usines d'incinération, de voir par exemple les pertes d'énergie. Donc ça peut être intéressant aussi, derrière, j'ai une perte d'énergie identifiée, est-ce que je peux faire de la récupération de chaleur? Voilà, c'est un petit peu apporter tous ces éléments qui vont permettre de mieux comprendre le territoire et du coup, derrière, de déterminer les actions les plus pertinentes à engager. Donc ça, c'est un outil qu'on a développé, Sébastien pourra le confirmer ou le préciser, au niveau des agences locales de l'énergie, puisque voilà, ça fait partie des outils qu'on essaye de mettre en place, en tout cas pour les collectivités, pour les territoires, afin de mieux identifier, de mieux apporter de connaissances au niveau des collectivités. Alors à partir de tous ces éléments, donc que ce soit, diagramme de Sankey, cartographie, camembert, histogramme, mais quels sont déjà les premiers éléments qu'on retire d'un bilan énergétique? C'est déjà, ça c'est ce qu'on voyait peut-être plus sur le graphique précédent, la réalité énergétique du territoire, ses enjeux. Identifier les principaux secteurs ou sous-secteurs consommateurs. Alors ça c'est aussi une question qu'on nous pose souvent, je vous présentais là le diagramme de Sankey juste avant, où on voyait des répartitions par secteur. On peut aller plus loin, on peut aller par exemple sur des sous-secteurs. Donc plus on va aller finement dans le détail, mieux ce sera. Et la question c'est jusqu'où un bilan énergétique finalement doit-il aller pour... ça c'est plus une question ouverte, hein, mais jusqu'où doit-il aller pour finalement apporter des réponses précises pour le territoire. Évaluer aussi les gisements d'économie d'énergie et les gisements d'énergie renouvelable à développer. Donc par rapport à l'exemple du bois que je citais tout à l'heure, sur le CIFEM a été engagée aussi une étude. En fonction de, je vous parlais tout à l'heure du parc du bois pour le logement, on peut aller plus loin, c'est-à-dire si on peut identifier la consommation de bois sur un territoire, on peut aller identifier le parc de logement, que je vous disais tout à l'heure, énergie principale, énergie secondaire, on peut aussi aller regarder qu'est-ce qu'on trouve comme type de chauffage sur le territoire, est-ce que c'est plutôt du chauffage au bois bûche, chaudière foyer ouvert, est-ce que c'est plutôt du poêle à bois, et puis derrière, c'est d'identifier, de mettre en lien consommation et besoin. Quelle filière, quel combustible je peux développer pour répondre finalement à ce besoin. Est-ce que, donc la question qui se posait sur le territoire du CIFEM, c'était notamment la valorisation des sarments de vigne. Est-ce que, déjà techniquement, ce combustible peut être valorisé? Et derrière, est-ce que je vais pouvoir trouver un marché pour valoriser cette énergie renouvelable? Donc c'est toujours mettre en lien, ça on le reverra plus spécifiquement dans le travail de planification énergétique, mettre en lien toujours la ressource avec le besoin à satisfaire. Développer des scénarios prospectifs, de définir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et puis se fixer des objectifs et de se dire on est à l'horizon 2020, à l'horizon 2030, à l'horizon 2050, pour atteindre ces objectifs. On est là, on veut arriver là, maintenant c'est comment, quel scénario on dessine pour arriver à ces objectifs. Et derrière, réfléchir à une planification concertée à moyen et long terme. Donc ça, j'en parlerai plus précisément sur l'exemple sur la cube. Et puis de suivre en permanence le bilan énergétique. Voilà, c'est pas un outil figé, c'est un outil qui doit être actualisé, enrichi sur sa méthodologie, sur les nouvelles données, et puis en termes d'indicateurs pour suivre ces différentes évolutions. Donc pour rentrer un petit peu sur un exemple plus précis sur le territoire de la cube. Donc on est parti d'un bilan énergétique. Ça a été de regarder quelles étaient les différentes consommations donc par secteur, par énergie, hein, comme je l'ai précisé juste avant, et notamment sur le secteur du bâtiment, d'avoir un bilan un petit peu plus précis. Donc la cube, donc c'est aujourd'hui 28 communes, le bilan avait été fait sur 27 communes à l'époque. C'est 350 000 logements et une surface relativement importante aussi de tertiaire, de surface commerciale ou industrielle. Et le bâtiment représente 47% des consommations d'énergie. Un peu plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre et puis la part en énergie renouvelable très faiblement développée. Donc ça donne déjà on reste sur des premiers chiffres. Ce qui était intéressant, c'est le graphique que vous voyez en haut à droite, c'est de regarder un petit peu plus précisément sur les usages. Donc là, notamment, on voit que sur les consommations d'énergie de l'ensemble de la cube, la chaleur des bâtiments, donc on est vraiment sur l'usage de chaleur, c'est 38% des consommations. Donc on identifie déjà un enjeu, la chaleur des bâtiments, comme un secteur sur lequel on va pouvoir travailler et puis trouver des actions d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables. On parlait de scénarisation Donc c'est le graphique qui est en dessous, donc qui très rapidement donne finalement la situation. Donc c'était en 2007 sur à la fois les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, et puis sur comment arriver donc sur en 2050 par rapport à un objectif facteur 4, c'est-à-dire de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, ce sont des objectifs qui ont été retranscrits dans le plan climat de la CUB, qui finalement donne des objectifs, alors après par secteur, sur en 2050 atteindre, là ici pour la CUB, c'est 66% d'économie d'énergie sur le secteur du bâtiment, donc sur les usages de chaleur, donc chauffage et eau chaude sanitaire, et de porter la part en énergie renouvelable à hauteur de 83%. C'est des objectifs ambitieux, mais en tout cas qui permettent de fixer en tout cas une ligne directrice et de fixer les objectifs à atteindre à cet horizon-là. Donc, par rapport à ce, une fois qu'on a défini les objectifs, c'est bon, c'est bien beau, mais derrière, c'est comment finalement on va atteindre ces objectifs à l'horizon 2050. Donc, il y a 4 ans, donc on s'est rapproché avec l'agence d'urbanisme pour intégrer finalement les questions énergétiques et d'urbanisme sur le territoire de la CUB. Et de commencer à réfléchir sur finalement comment atteindre ces objectifs, comment faire l'adéquation entre besoins et ressources, regarder telle qu'elle est aujourd'hui, et puis comment en tout cas l'imaginer à l'horizon 2050. Donc voilà, c'est de connaître, c'est un outil, il s'agit de construire en fait un outil qui va permettre à la fois de connaître la demande, l'offre en énergie, de regarder comment l'adéquation entre les deux est possible. Pour à la fois réduire les consommations d'énergie, c'est vraiment ces deux points en parallèle, réduire les consommations d'énergie et développer les énergies renouvelables. Alors sur la partie identification des besoins, donc ça c'est un travail qui avait été fait notamment par l'AURBA, donc l'agence d'urbanisme, sur en fait la caractérisation thermique du parc bâti résidentiel. Donc, ils avaient développé une modélisation, un outil de modélisation, pour arriver à quantifier les besoins en énergie à l'échelle de la parcelle, les besoins en chauffage. Donc ça permet, alors ça reste une modélisation, avec les avantages que ça a, mais en tout cas ça apporte quand même un niveau d'information sur les besoins des bâtiments, qui vous allez voir après derrière, permet de réfléchir un peu plus précisément sur des stratégies à adopter en matière d'urbanisme. Donc ça, c'était sur la partie caractérisation thermique, donc avec à la fois une quantification et une localisation. Et à droite, donc ça, c'est un scénario qui avait été développé donc par l'ALEC sur finalement le développement des énergies renouvelables, c'est-à-dire quelles énergies on mobilise pour répondre à ces différents besoins. Donc là, vous avez, c'est un scénario qui dit un scénario dit plusieurs variantes possibles, on peut en imaginer d'autres, mais en tout cas qui donne par rapport à la situation initiale au niveau des énergies renouvelables, donc le solaire thermique, le bois énergie, la cogénération, la géothermie, la situation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Voilà où on pourrait en être dans 40 ans, en 2050. Et voilà qu'est-ce que ça implique derrière en termes de développement, c'est-à-dire si on prend par exemple le bois, la deuxième ligne, donc le bois réseau, c'est-à-dire qu'on a 4 kilotèpes aujourd'hui, on veut passer à 44, donc multiplier par 11 la production. C'est derrière, c'est de définir quel moyen je mets en œuvre pour atteindre ces consommations, enfin cette production d'énergie. Et le but aussi de la planification énergétique, c'est un petit peu de définir si je veux développer le bois. Est-ce que je le développe plutôt sur du bois individuel, enfin sur la maison individuelle? Est-ce que je le développe plutôt sur du collectif? Et quelles unités de production je mets en place? Est-ce que je mets plutôt des chaufferies, des petites chaufferies bois à l'échelle de quartier? Ou alors est-ce que ce seront des grosses chaufferies bois à l'échelle de quartier plus important? Donc voilà, c'est ces réflexions-là qu'on essaye en tout cas de mener à l'échelle de cette étude. Donc sans forcément rentrer dans le détail au niveau des tissus urbains de la CUB, mais pour vous montrer la méthodologie qu'on a utilisée, c'est-à-dire que pour apporter ces réponses énergétiques, l'échelle du bâtiment, alors peut-être plus au niveau des économies d'énergie, où là c'est pertinent, mais au niveau de l'échelle d'approche, on a en fait raisonné à l'échelle de tissus urbains. C'est-à-dire qu'on va retrouver sur la cube différents tissus urbains, donc à la fois du tissu très central, avec des maisons de pierre, avec une architecture bien particulière, des tissus périurbains composés de bâtiments un petit peu plus divers, des ensembles d'après-guerre, des bâtiments commerciaux, etc. Et les tissus plus résidentiels, pavillonnaires, comme on le voit partout. Et c'était pour chacun de ces tissus, quelle approche énergétique je peux trouver, puisqu'on va avoir sur ces différents tissus différents bâtiments qui ne vont pas avoir les mêmes propriétés, qui ne vont pas avoir la même densité urbaine, du coup la même densité thermique, qui ne vont pas avoir les mêmes propriétés constructives, qui ne vont pas avoir forcément le même espace foncier pour derrière développer des solutions de production, enfin de distribution de chaleur collective. Donc voilà, c'est tous ces paramètres-là qui nous ont amené en fait à faire une étude, à regarder les tissus urbains, enfin regarder en tout cas à l'échelle du tissu urbain, comment les réponses énergétiques, comment la desserte énergétique pouvait être approchée sur chacun de ces tissus. Et donc pour terminer, puis finalement faire la synthèse de ce travail, on voit notamment je dirais de façon générale, il faut de toute façon utiliser la bonne énergie au bon endroit. C'est-à-dire qu'on va retrouver des énergies comme la géothermie ou par exemple le bois qui ne vont pas forcément, d'une part, être en quantité, en ressources équivalentes, et surtout qui ne vont pas forcément être adaptées au même tissu urbain ou au même bâtiment. C'est-à-dire si on prend la géothermie, on va avoir une énergie plutôt basse température, ce sera plutôt intéressant de la développer, plutôt de la réserver pour des bâtiments qui seront neufs ou fortement rénovés. Donc là aussi, dans la planification urbaine, dans la planification énergétique, c'est aussi intégrer ces éléments-là, ou par exemple, développer le bois plutôt sur des bâtiments anciens. Donc ça, c'est des réflexions, en tout cas des points qu'il faut en tout cas garder en tête et intégrer lors des réflexions territoriales. Développer les réseaux de chaleur pour apporter la chaleur renouvelable en ville. Donc ça, c'est un des principes qui pourrait se transposer au milieu rural, c'est-à-dire identifier, si je prends le schéma en haut à droite, à l'échelle d'un quartier, d'un centre-bourg, quels sont les principaux bâtiments consommateurs, de les identifier, de les cartographier. C'est un petit peu ce qu'on voyait sur la carte tout à l'heure en termes de quels sont les besoins en chauffage des bâtiments. Donc j'identifie mes gros consommateurs. C'est derrière comment je peux envisager le développement de réseaux de chaleur, d'apporter massivement de la chaleur renouvelable donc dans ces tissus, dans ces quartiers. Et donc ça, ce sont des réflexions qu'on peut mener à la fois à l'échelle urbaine, mais aussi à l'échelle de centre-bourg. Donc avoir ce travail-là, je dirais, à l'échelle de la ville, enfin, en tout cas à l'échelle du territoire étudié, pour définir et dessiner en tout cas les zones favorables sur lesquelles en tout cas ce type d'énergie pourrait être développé. Donc le travail qu'on a mené sur la cube s'articulait bien à la fois de regarder à l'échelle de quartier, plus précisément, la partie plus opérationnelle. On a travaillé notamment sur un secteur d'aménagement où se poser la question de mise en place d'un réseau de chaleur, c'est de regarder quels sont les différents consommateurs situés sur cette zone, quels sont les différents consommateurs situés autour, comment une solution de desserte en réseau de chaleur peut voir le jour. Donc vraiment réfléchir à la fois à l'échelle de quartier, mais aussi à l'échelle de la communauté urbaine, à l'échelle, je dirais, plus macro. C'est-à-dire, si je choisis de développer une énergie plutôt sur un territoire, sur une partie du territoire, ou plutôt sur un type de bâtiment, est-ce que c'est cohérent à l'échelle de la cube? Je reprends l'exemple du bois. Est-ce que c'est, si on le développe pour par exemple développer des réseaux de chaleur, et puis qu'on dit aussi qu'il faut le développer chez le particulier, est-ce que derrière je vais avoir suffisamment de bois, est-ce qu'il va y avoir la filière va être suffisamment structurée pour alimenter tous ces bâtiments? Donc c'est vraiment réfléchir dans l'ensemble sur quelles sont les différentes énergies, lesquelles je peux développer, lesquelles sont plutôt adaptées à telle ou telle situation, et puis faire ça de manière cohérente. Et puis après, voilà, on rentre après dans les questions un peu plus opérationnelles, notamment sur l'urbanisme réglementaire. C'est de façon générale sur intégrer les problématiques énergétiques et urbaines dans les approches les approches de quartier, les approches d'aménagement, mais aussi derrière, dans les documents d'urbanisme, c'est-à-dire, si on reprend l'exemple des réseaux de chaleur, c'est comment, si je définis le réseau de chaleur comme un vecteur de desserte énergétique intéressant à implanter sur différents quartiers, et que derrière, j'ai besoin de foncier disponible, c'est comment je peux favoriser ça dans les documents d'urbanisme, notamment dans le PLU. Est-ce que je peux inciter au développement, enfin, à la réservation d'emprises foncières pour pouvoir y implanter des unités de production de chaleur? Donc, voilà, c'est des questions qui se posent concrètement, auxquelles on n'a pas forcément de réponse toute faite, hein, mais on y travaille. L'agence d'urbanisme est notre partenaire aussi sur cette mission, donc eux aussi peuvent voir, notamment dans les phases de révision, comment finalement intégrer ces enjeux-là. Sur finalement les premiers principes qu'on peut effectivement derrière retransposer en tout cas en partie sur le milieu rural et pour conclure sur différentes je dirais de façon générale c'est vraiment toujours bien penser en fait les consommations et les productions de bien, toujours les mettre en adéquation. Identifier quelles sont les énergies renouvelables qu'on va trouver sur un territoire, quelles sont celles que l'on peut mobiliser pour répondre à quels besoins. Je pense que je pourrais en parler un peu davantage. Déjà, si vous avez des questions.